je suis atypique. Moitié black, moitié barbe, tout et je nique tout. Ça fait pédé, il kifferait trop ça, je joue avec un 6 coups. Ta vie vaut 6 sous, si 6 pédales se douce. Je deviendrai aveugle si tu me fais les yeux doux. J'suis un putain de voyageur, t'es qu'une pute, j'vais voir ailleurs. Là où l'herbe est meilleure, j'ai des billets à toute heure. Pour l'enfer ou le paradis, selon mes conseillers. Je vis sous terre, chez le Christ, c'est atypique mon seigneur. Ma boîte de pilules est vide, le cher des voisins. En abecté, ça lui explose le bide, j'y sous le sapin. C'est bien, j'gomme encore des pilules, j'fais des émules. Libre en cellule, ta pute qui met avec quand elle simule. Ma drogue audio circule, c'est pas de ta faute, sa meuf me kiffe. J'sais pas, peut-être que t'es moche, que t'es con, y'a plein de motifs. Vaut mieux pas qu'on soit bae, puis j'suis trop nocif. J'y donne du plaisir, puis j'mets une grenade dans ton soutif. Dans les grosses discothèques, les potes se gardent les steaks. Pour toi je sors le Uzi et le check. Que si tu me files un chèque. Atypique par-ci, atypique par-là. Je sors le Yex et tu pleures chez ta tacha. Atypique ici, atypique fécha. Fenêtre ouverte et t'entends ta. Écoute, s'te plaît, j'ai une pique de disjonquée dans le fossé. Ma petite biche, je t'y ai jeté. Et puis, je repars tout au loin sans te regarder. Là, j'ai topé et le chétan m'a adopté. Oh, leur pas, tu sais, c'est pas grave, plus être aimé. Tiens, un gun, tu qui tu veux, toute ta volonté. On dit que j'ai de la bonté, c'est honté, j'suis d'un honté, j'suis un soldat. Mes dealers vont vendre quand je crée en paix. J'vois pas d'alcool, j'fume pas de tabac. Tu trouves que j'sais pas m'amuser, j'trouve que tu crèveras avant moi. Comme un rat, sans poumon, sans foie. Ta maman te l'a pourtant dit 100 fois. Dans les grosses discothèques, les potes se gardent les steaks. Pour toi, je sors le Uzi et le check. Que si tu me files un chèque. Atypique par-ci, atypique par-là. Tu sors de Yex et tu pleures chez ta tacha. Atypique ici, atypique fécha. Fenêtre ouverte et t'entends. Ok, t'aimes pas les arabes, t'aimes pas les noirs. Mais dis-moi donc, qu'est-ce qu'on va faire de toi, connard? T'as tellement le cul blanc, j'peux pas t'insulter de bâtard. J'suis en effraction dans ta tête pour être ton pire cauchemar. T'es perdu, dis donc, dis que j'suis un bandit. Tu l'as senti, jamais je ne m'en dis. Tu m'en diras, tant je détaudis. Tu ne me prends pas pour grandi, mais le mic je le brandis. Je suis plus un apprenti, sans mentir, très vite j'ai grandi. C'est pas ça que je donne, y'a ma donne, Dieu m'abonne. Quand que ça rappe pur, jamais j'abandonne. Quand que ça rappe dans ta race, ça dérape mais ça passe. Plus dur que de la varape, ça te menace aussi de ta voix. C'est le freestyle, anti-tomity, veti. C'était du son des potes atypiques. Pas des atypiques, mais si c'est atypique, c'est qui atypique, atypique, atypique. Dans les grosses discothèques, les potes s'écartent les steaks. Pour toi je sors le Uzi et le check. Que si tu me files un chèque. Atypique par-ci, atypique par-là. Tu sors de Yex et tu pleures chez ta tacha. Atypique ici, atypique fécha. Fenêtre ouverte et t'entends. Dans les grosses discothèques, les potes s'écartent les steaks. Pour toi je sors le Uzi et le check. Que si tu me files un chèque.